t'entends? Tu devrais m'entendre là. Putain, tu m'entends là ou non? Voilà, comme ça c'est bon. Attends, je vais essayer de brancher ma guitare sur thank you.